tu penses, dis, à quoi tu penses? Tu ne dis rien, tu restes là. À quoi tu penses, dis, à quoi tu penses? Tu sembles loin, si loin de moi. Moi, quand tu dors, je pleure souvent. Et toi, tu crois que c'est le vent que tu entends? Tu m'aimes encore un peu, mais le temps est fini. Où les yeux dans les yeux, on attendait la nuit revient sans toi, toi qui m'oublies déjà. Tu penses rien qu'une fois, dis-moi à quoi tu penses, dis, à quoi tu penses, tu sembles loin, si loin de moi, je crois en toi, mais vivre à deux sans rien savoir, j'aimerais mieux. Une fois, dis-moi, dis-moi.